爱再来自爱哦，咩都唔做啦，阿波就快啦 ，make a face， 阿只 finger， 你家姐姐乖乖自己碰啦 ，as best a vampire， 我身体再也不过啦，再不怕别离别，对身体啊比对方身边人比啥没得，准备发出来，这是谁的支持？我的恨你，你们把我困困在到他背面里去。Elle allait devenir voyolée, vois-tu son fouet. Une fois que sa mère voit, tu avais le dos tourné. Mais comment peux-tu faire, oui, ça a un bébé. Tu mériterais d'être cramé, je te le dis en vérité. Fais de vous cela avant de fight là. Mais que fais-tu à cette dinga? De quel plaisir, vois-tu, tu prends là? Espèce de vampire. Fais de vous cela avant de fight là. Mais que fais-tu à cette dinga?Quel plaisir, ouais, vois-tu, tu prends là Espèce d'un vampire. Une pétale brise cerveau et voilà, tu la retournes sur le dos. Et tellement pas une ado, arrête un peu tes conneries gros. Profond, vois-tu, vois-tu, j'ai un salaud. Savoir ton contact, oui, sur sa peau. Me donne des boutons dans le dos, j'aime même pas savoir ce que t'as fait ton poireau à cet enfant, oui, pédo. Mais te vois très, vois-tu, derrière ou d'ordi des barreaux. Le même enfant, oui, en culot.Fais de vous cela avant de fight now. Mais que fais-tu à cette finga? Si quel plaisir, ouais, vois-tu, tu prends là. Espèce de vampire. Fais de vous cela avant de fight now. Mais que fais-tu à cette finga? Si quel plaisir, ouais, vois-tu, tu prends là. Espèce de vampire. Ouais. Ouais.Fais de vous cela avant de fight là. Fais de vous cela avant de fight là. Fais de vous cela avant de fight là. Mais que fais-tu à cette minga? À peine des années qui vont la faire culpabiliser. De se faire abuser pour se faire vers puis s'amuser. Je ne vais pas te relater ce qu'elle a dû supporter. Elle n'était pas même pas encore rentrée, encore dans une idée.Qu'elle allait devenir, oh oui, ouais, vois-tu son jouet. Une fois vois-tu sa mère avait le dos tourné. Mais comment vas-tu plus faire ça, vois-tu un bébé. Tu mériterais d'être cramé, te le dis en vérité. Fais de vous cela avant de fight là. Mais que fais-tu à cette minga? Si quel plaisir, ouais, vois-tu, tu prends là. Espèce de vampire. Fais de vous cela avant de fight là. Mais que fais-tu à cette mingaQu'est-ce que tu as là? Espèce de vampire.